Alors, bonjour, je suis dans les Bonjour. locaux de Cellophane. Cellophane, on est où exactement? Pour juste préciser géographiquement. On est dans le quartier de Oisem, à Lille, juste à côté du métro, voilà, entre le métro Montebello et Oisem. C'est une association? Tout à fait, c'est une association de cinéma d'animation qui existe depuis 26, bientôt 27 ans maintenant. Donc, qui a vu passer beaucoup, beaucoup de gens, dont l'objet a évolué, mais qui globalement a vocation à défendre le cinéma d'animation et à le promouvoir dans la région et en France. C'est difficile aujourd'hui d'être une association sur l'animation ici à Lille. On pourrait presque peut-être me dire même en France, mais en tout cas déjà à Lille, dans la région. Non, c'est pas difficile. Après, je pense que le plus difficile en association, c'est finalement d'arriver à trouver le moyen d'exister collectivement, parce que ça, c'est compliqué, la vie collective. Et en même temps, de savoir se positionner vis-à-vis des financeurs, des partenaires, de manière tout à fait sereine, voilà. Mais sinon, non, vivre en association, travailler en association, c'est plutôt génial. Voilà. Il y a une vraie place pour les associations ici. On laisse vraiment, je sais pas, l'envie de travailler avec. Alors, on va parler par exemple des enfants, mais d'avoir cette pédagogie, on va dire hors scolaire, avec les enfants. Bah nous, en tout cas, c'est notre but, c'est notre vocation, parce qu'effectivement, à un moment donné, on a décelé un besoin qui n'était pas couvert par l'école, en tout cas défini dans les programmes des écoles. Et aujourd'hui, avec l'image qui prend de plus en plus de place, à la fois à l'école, mais aussi dans notre monde privé et puis dans l'espace public, effectivement, nous, en tant que société civile qui s'organisons en association, on a décelé ce besoin et on propose des choses qui sont faites en complément d'activités scolaires, périscolaires, hors temps scolaire, d'événements et de ceci et de cela. Alors, comment ça se passe? Est-ce que c'est les écoles qui viennent vous voir? Est-ce que c'est vous qui allez voir les écoles? Comment se passe ce volet-là? Alors en fait ça dépend. Il faut savoir qu'on a une part de notre activité qui se passe en temps scolaire, mais on a aussi toute une autre part qui se passe hors temps scolaire où on peut être amené à monter des projets et donc à travailler avec d'autres publics. Donc quand il s'agit d'écoles, souvent c'est à l'initiative des écoles, mais on peut aussi travailler par exemple avec des EHPAD ou avec des groupes qu'on va constituer nous-mêmes. Vraiment ça dépend des projets. Voilà. Alors, je vous ai pas présenté, c'était fait exprès. Margot, toi tu viens de d'où? On se connaît pas. Non, on se connaît pas. Comment on arrive dans une association comme Cellophane sur l'animation? Alors moi, je viens du spectacle vivant. Et puis, pour tout un tas de raisons, s'est posé la question de la reconversion professionnelle à un moment. Donc, je me suis dirigée vers le cinéma d'animation dans le cadre d'un master que j'ai fait et que j'ai fini il y a un an. Qui justement traitait de la réponse qu'on apportait aux enfants et aux moins enfants, aux plus vieux, de la question de l'image, en fait, de la question de l'image dans notre société. Et mon stage d'observation a été fait à Cellophane. Et c'est comme ça que j'ai rejoint la structure et que je me suis intéressée au cinéma et au cinéma d'animation particulièrement. Voilà. Quand on découvre l'animation comme ça, on se rappelle, on découvre plein de nouvelles choses. Au contraire, on se dit, tiens, ça, je savais pas qu'il pouvait se passer ça. Il y a une richesse qu'on découvre à ce moment-là. Ah oui, il y a à la fois une richesse. Alors on retrouve aussi ses yeux d'enfant, mais on appréhende toute une technique, tout un temps long de réalisation dont le grand public n'a pas forcément conscience. Et puis aussi on découvre des professionnels, des intervenants formidables qui sont très humbles. Et c'est vrai que quand on vient du spectacle vivant, c'est une qualité qu'on aime bien, voilà, qu'on apprécie. Alors, moi, si je me souviens bien, je me souviens de ce que j'ai regardé avant. Louisa, elle vient de l'ESAT. C'est ça. Je l'ai eu. Et c'était pas vraiment des films plutôt pour enfants. Il y avait une imagerie qui était pas noire, mais qui était quand même très particulière, etc. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, peut-être que tu continues d'ailleurs de ton côté, hein, mais en tout cas, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, on se dit, tiens, pourquoi pas aller travailler avec des enfants? Alors moi, quand je suis arrivée à Cellophane, c'était sur un projet bien particulier. C'était dans le cadre de mon alternance à l'ESAT. C'était sur Manolo, un court-métrage de 10 minutes sorti l'année dernière. Et c'était un film qui était à destination des enfants. Donc moi, je me suis mise à m'ouvrir à cet univers-là, sachant que j'ai toujours aimé travailler avec les enfants. Et ça peut sembler paradoxal avec mon univers qui est un petit peu sombre, mais en fin de compte, au travers de mes diverses interventions, je me suis rendu compte que oui, et puis même moi, j'avais le souvenir quand j'étais enfant de ne pas voir la vie tout le temps en rose aussi. Et j'avais vraiment à cœur aussi de développer, comment dire, lors de mes ateliers, de pas bloquer les enfants par rapport à l'image et à vraiment faire en sorte qu'eux puissent développer leurs propres images. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, je continue d'avoir une production personnelle, tant bien que mal, avec le travail lié à l'association. Donc là, je peux explorer mon univers, mais c'est vrai que j'apprécie énormément travailler dans un univers lié à l'enfance aussi. Je me suis rendu compte que en faisant quelques séances, assez peu spécialisé par rapport aux enfants, c'est qu'en fait, ils sont beaucoup plus ouverts qu'on l'imagine. C'est-à-dire que souvent on va leur dire non, on va pas mettre d'abstraction, on va pas faire ceci, on va pas mettre, alors qu'en fait ils adorent ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez, vous, ou est-ce que c'est moi qui me fais cette idée-là uniquement en projection, ou même quand vous travaillez avec eux, vous sentez que y a pas que l'imaginaire de des châteaux forts et des princesses ou des princes, etc., mais qu'il y a aussi des délires sur des formes, des visuels, des choses complètement différentes. Je sais pas qui des deux veut répondre. Alors, l'idée, c'est que nous, en fait, on ne vient pas imposer d'imaginaire. Comme on est une association d'éducation à l'image, on est quand même on s'inscrit dans une histoire qui s'appelle l'éducation populaire. Et donc, le but, c'est aussi de permettre aux gens de s'émanciper et aux enfants de pouvoir s'exprimer et finalement de ne pas s'interdire quelque part des choses qui, dans des espaces plus conventionnels comme l'école ou la maison, vont être amenés à finalement s'interdire, en tout cas s'auto-censurer, voilà, chercher les mots. Et donc c'est vrai qu'effectivement nous on arrive aussi avec nos propres auto-censures et on se rend compte que les enfants peuvent complètement casser ces choses-là. Ils sont beaucoup plus forts et beaucoup plus conscients du monde et des images qui les entourent et sont prêts à nous donner des choses que peut-être nous-mêmes on n'est pas prêts à recevoir d'enfants. Et donc c'est aussi cette dialectique entre le professeur et l'élève qui peut aussi être amené à changer, parce que nous on attache aussi une importance à laisser l'enfant exprimer son propre savoir et nous emmener aussi dans son univers et dans son terrain. Donc oui, c'est ils sont hyper friands de ces abstractions, aussi des choses qui sont peut-être plus effrayantes et qu'on n'aurait pas nous en tant qu'adultes envie forcément d'amener à des enfants de 7-8 ans. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi dans l'animation, qui est une représentation évidemment biaisée, différente. C'est-à-dire qu'on peut avoir un personnage qui est découpé, il peut être grand et blanc, et puis finalement on peut être d'une autre couleur et petit, ou l'inverse. Je parle souvent de Kirikou, hein, un petit bonhomme noir, voilà, qui finalement peut se reconnaître facilement dans des personnages comme ça. J'ai l'impression qu'on peut presque plus se reconnaître facilement, ou en tout cas s'identifier à des personnages animés que des fois des personnages en... des vrais acteurs, on va dire, ou qui sont plus compliqués. Est-ce que ça, par exemple, dans les relations avec les enfants, vous le remarquez? Par exemple, je ne sais pas si vous faites des ateliers, c'est une autre question, est-ce que vous avez des ateliers qui sont longs, et par exemple, commencer avec les chamailles, et puis petit à petit, on avance, et de se rendre compte qu'ils s'écoutent un peu plus au fur et à mesure de l'atelier? Complètement. Moi, c'est vrai que je remarque ça presque à chaque intervention. Par exemple, on a eu une semaine d'atelier dans le cadre de École et Cinéma, un projet de territoire régional. On choisissait ensemble le look des personnages. Et c'est vrai que il y a tout de suite un débat qui naît au sein de la classe. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est de voir les enfants se contredire eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va commencer en disant « La petite fille, elle va porter une robe rose ». Ça, c'est presque systématique. Hein. Et puis là-dessus, il y a une petite fille qui va lever la main, qui va dire « Et pourquoi on lui mettrait pas une casquette ? Et pourquoi pas un short ? Parce qu'en robe, elle risque de s'accrocher quand elle va faire des cabrioles ou des trucs comme ça. » Donc c'est super intéressant de voir le débat qui naît aussi entre les participants, et que ce soit des enfants ou... moi, j'ai eu le cas aussi avec un groupe de femmes adultes qui faisaient partie d'un club couture, et on les voit qui construisent un scénario ensemble et qui, en fait, se contredisent complètement, et en fait nous en tant qu'intervenants on n'est pas là pour intervenir dans le débat, on est simplement là pour les guider et puis parfois les aider dans l'orientation des choix en fonction de la faisabilité, mais c'est tout quoi. Et donc c'est super. Enfin, moi, c'est... Est-ce qu'il y a des enfants qui se donnent l'envie, qui se disent d'un seul coup après une semaine de se dire tiens, moi ça me plairait bien de faire de l'animation, d'être animateur ou travailler même, je sais pas, la matière, ce genre de choses? Je sais pas si vous y arrivez ou pas. Tous, ouais. Non, mais disons que ce qui est un peu frustrant dans notre activité, c'est qu'effectivement, on n'a pas le temps long de revenir après, voir l'évolution des enfants. Mais oui, il y a des vocations qui naissent. Il y a aussi des enfants qui viennent à nos ateliers ou qui sont amenés par leurs parents parce que les parents savent qu'ils aiment dessiner et que ça leur permet de découvrir aussi des domaines d'activité dont ils n'ont pas forcément connaissance, parce que c'est vrai que le cinéma d'animation, c'est pas un art en tant que discipline, c'est un mélange de disciplines, et c'est vrai que quand tu fais du dessin en tant qu'enfant, t'as pas forcément dans la tête cette idée que tu vas pouvoir travailler en cinéma d'animation. Par contre, le fait de venir découvrir les processus de fabrication ou toi-même en tant que dessinateur en herbe, tu vas pouvoir t'exercer à comprendre le mouvement, etc., bah ça crée des passions. Tu te dis, mais c'est génial mon dessin, en fait, si j'en fais 10 qui bougent un tout petit peu, et ben si je les passe vite, ça me crée un petit film, et ça c'est super de permettre de connaître, en fait, voilà, et d'appréhender peut-être des futurs professionnels, artistes, etc. Ouais. Vous faites des ateliers avec des techniques complètement différentes. Est-ce qu'il y a aussi l'idée de promouvoir un cinéma d'animation assez large, on va dire, assez diversifié, justement? Complètement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait appel à différents intervenants en fonction des ateliers, puis en fonction de la technique qu'on propose. Et puis, on essaie d'avoir aussi ce rapport avec les intervenants où on va pas imposer une technique. On va plutôt... je prends l'exemple, par exemple, de Bastien Dupriez, qui était venu lors de nos ateliers du Nil Animé. Proposer son savoir-faire à des adultes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aimerait développer d'autant plus, et qui est important, puisque il faut que les participants s'y retrouvent, et il faut aussi que l'intervenant s'y retrouve pour proposer l'atelier qui soit le plus intéressant pédagogiquement et pouvoir aller le plus loin possible. Les ateliers avec adultes, ça doit être quelque chose. Malheureusement, je trouve qu'il n'y en a finalement pas beaucoup. Il devrait y en avoir, parce que en plus l'animation permettrait de développer alors à la fois la patience, ou au contraire même faire des choses plus rapidement. Enfin, en tout cas, travailler en groupe, il y a pas mal de choses. C'est dommage qu'il n'y en ait pas tant que ça, si. Mais tu sais, alors nous on le développe et on essaye effectivement de mener des ateliers avec des adultes, et tu te rends compte, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux enfants, tu te rends compte que les adultes s'interdisent beaucoup plus. Et ont cette espèce d'idée selon laquelle ils ne sont pas légitimes à dessiner parce qu'ils savent pas dessiner, et donc c'est pas pour eux quelque part ce qu'on leur propose. Donc c'est vrai que c'est aussi nous, tout notre travail, de les amener à dire ouais, mais même si tu sais pas dessiner, tu peux quand même faire du cinéma d'animation. Et c'est ça qui est formidable dans le cinéma d'animation et dans le processus de fabrication, c'est qu'à un moment donné, chacun peut y trouver sa place. Tu peux ne pas savoir dessiner, mais tu peux t'éclater à faire du décor en récup. Nous, on avait mené un atelier il y a 2 ans avec Culture et Liberté, qui est une association qui travaille notamment dans un dispositif qui s'appelle les pratiques langagières, où en fait, c'est des primo-arrivants, donc souvent des adultes, à qui on apprend à parler français. dans le cadre de leur intégration, hein, entre guillemets. Mais c'est des gens donc qui par le biais d'une pratique artistique vont aussi apprendre le langage, la communication avec d'autres. Et donc on avait mené un atelier autour d'une écriture collective sur le quartier de Fives. Et donc c'était mettre en image en fait ce petit livre qu'ils avaient écrit tous ensemble. Et c'était génial de voir au début des gens qui étaient interdits. Non, je vais pas toucher à ça, etc. Et puis petit à petit, avec l'encadrement et le fait que nous, on soit dans le partage et dans mais si, allez, on y va, l'encouragement, la motivation. T'as des gens, ils se trouvent des vrais plaisirs, quoi. T'avais un monsieur, on lui avait dit, bon, on va faire les décors en récup. Et alors, tous les soirs, il réfléchissait, il a regardé ses petits pots de yaourt, tu sais, vides. Et puis, il revenait, il disait, oh, ça va faire un petit air plein de feuilles, de fleurs. Et puis, petit à petit, il nous dépasse, en fait. Et c'est après que nous, en fait, on revient en disant, bon, attends, ça, on va pas pouvoir le faire maintenant. Et tu vois, plus ils pratiquent et plus ils ont envie de pratiquer. Et c'est ça aussi, nous, notre message. C'est-à-dire qu'il faut sortir de cet interdit, de cette délégitimisation des personnes sur leur savoir et finalement leur permettre, quelque part, le temps et l'espace pour appréhender leur propre talent, en fait. Est-ce que ça veut dire aussi les surprendre peut-être dans les lieux où aller, en tout cas en dehors de, je sais pas, toujours les mêmes lieux? Alors, c'est que c'est plus les MJC réellement, enfin voilà tous ces lieux-là, et d'aller, je crois que Bastien disait justement que c'était dans un bar, truc vinyle, et que finalement, d'un coup, il disait que c'était assez drôle, il y avait des gens, voilà, qui au départ, qui regardaient, etc. Mais est-ce que c'est pas ça aussi d'un seul coup, c'est peut-être finalement provoquer un peu les gens sur leur terrain plutôt que d'attendre qu'ils viennent? C'est exactement ça, en fait. C'est essayer de casser un petit peu les barrières, comme tu disais, Margot, entre le sachant et puis celui qui doit apprendre, l'élève qui ne saurait rien, alors qu'en fait, si on lui donne l'outil, si on lui donne l'envie aussi d'apprendre, et ben les gens, en fait, ils savent pas forcément ce que c'est aussi le cinéma d'animation. Faut le dire, hein. Moi, ce que j'ai pu remarquer dans mes courtes années d'expérience, c'est que finalement, c'est un monde qui est assez replié sur lui-même, et assez peu ouvert au grand public, ou en tout cas qui a du mal à s'ouvrir au-delà des grosses productions qu'on connaît, les longs métrages, et donc l'idée, oui, c'est de montrer qu'il y a cet autre cinéma d'animation qui existe, il y a des courts métrages qui existent, et pour ça, aller dans des zones qui sont des déserts culturels, aller dans des endroits, comme tu disais, dans des bars, donc ça peut donner des situations parfois un peu un petit peu ubuesque, mais quelque part c'est ça aussi, comme tu dis, c'est vrai que quand on va dans un bar, on prend aussi ce risque là on sait pas exactement quel sera le public, on sait pas si le public sera réceptif ou pas, on a quand même des gens qui participent, et ça c'est déjà formidable, et puis des gens qui viennent nous voir et qui nous disent, moi ça je savais pas que ça existait, et peut-être que chez eux, en rentrant, ils vont regarder ce que c'est que le cinéma d'animation un petit peu plus en profondeur, quoi. Voilà. Ça passe par les projections aussi, parce qu'il y a ça aussi, hein, l'idée des fois de projection, de se dire il peut y avoir que 5 personnes, mais on va toucher 3 personnes qui vont vraiment d'un seul coup être prises. C'est important ça de travailler au niveau projection. Alors l'idée c'est de se dire que oui, effectivement, faut réaliser, faut fabriquer, mais faut aussi montrer. Faut montrer ce qu'on fait, faut montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire, et surtout ce que des non-professionnels vont savoir faire, et vont savoir aussi surprendre à des endroits les professionnels. Et ça passe, nous, ce qu'on essaye de faire, toujours dans l'idée de... Ça arrive, on est en direct, non, ça arrive, hop, c'est de ma faute, j'aurais dû dire d'éteindre, c'est normal, hop. On continue comme si de rien n'était. Voilà, donc excuse-moi. Donc l'idée, c'est aussi d'amener des projections, des films, là où ils sont pas attendus, en dehors des salles de cinéma. Alors nous, on fait une projection dans des bars, on fait des projections dans des salles municipales parce que les villes n'ont pas de salles de cinéma, mais ont quand même envie de montrer à leurs habitants ce que peut faire la production amateur. Et des fois, ça donne des situations un peu bizarres, parce qu'effectivement, tu te retrouves devant un public qui sait pas trop ce qu'il fait là. Et puis, petit à petit, une fois passé le malaise, on passe des super bons moments. Et puis, souvent, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est être dans la relation informelle où, après chaque projection, bah, on va un peu discuter, on va débattre de ce que les gens ont vu, de ce qu'ils ont aimé. Et ça, c'est pareil, tu vois, dans le débat, au début, il y a le malaise. Puis, une fois que le premier prend la parole et que toi, tu enchaînes et que le dialogue s'installe, tu peux plus arrêter les gens. C'est à la fin, tu dis, bon, bah, là, ça fait une heure qu'on débat, on va arrêter. Ah, mais j'ai une autre question. Donc, c'est ça qui est chouette aussi. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui? Moi, j'ai dans mon travail aussi l'impression de voir, et je comprends très bien les producteurs, il y a de l'argent qui est mis en place, mais qu'on essaie de faire des projections gratuites ou en tout cas avec peu d'argent. Ça devient de plus en plus difficile que les producteurs nous laissent les films. Il y en a dans la région qui ont du mal à lâcher. Moi, je sais que je fais ça à Annecy. Au début, j'ai même abandonné de faire ces projections-là parce que je trouve ça compliqué. Est-ce que vous arrivez à trouver justement des partenaires comme ça en disant, écoutez, c'est pour le bien aussi des choses ou est-ce que c'est dur? Alors, souvent, sur les projections qu'on organise, on travaille avec les diffuseurs. Donc, on doit louer les films. Et en effet, tu as complètement raison, ça rend très difficile les projections. On peut très difficilement organiser des projections en dehors des cadres de nos projets qui sont budgétés, etc. Donc, on ne peut pas, par exemple, dire bah, du jour au lendemain, on va se mettre dans la rue et projeter ces films-là, à moins que ces films, on nous les mette à disposition, en effet. Et donc, oui, appel aux producteurs et aux diffuseurs qui souhaiteraient diffuser leurs films au grand public parce que c'est important aussi de se dire que voilà, tout le monde n'a pas les moyens de payer un abonnement dans un cinéma qui propose des séances de court-métrage. Voilà. Oui, non, puis c'est vrai que je comprends les producteurs, mais je pense qu'en animation, on a encore besoin de se faire connaître, comme vous disiez, et que c'est aussi une manière de se faire connaître, et que faut pas que tous les films, évidemment, soient gratuits, mais qu'en tout cas, qu'il y ait cette possibilité que les gens découvrent autre chose, finalement, que ce qu'on leur propose. Il y a une crise assez lophane. Est-ce que on va pas décrire tout ce qu'il y a eu, bien évidemment. Déjà, une première question, est-ce qu'on peut dire que la crise est terminée ou non? Faut encore rester vigilant, il y a encore des difficultés qui peuvent arriver. Alors, faut rester vigilant, mais Louisa et moi, on a quand même gagné. Voilà, grâce aussi à un conseil d'administration et un bureau qui nous a soutenus dans notre lutte vis-à-vis d'un petit groupe de personnes qui ont eu la volonté de liquider l'association. Et bah nous, à un moment donné, quand cette annonce a été faite, on s'est révolté contre cette idée qu'une association vieille de 26 ans puisse disparaître comme ça sans autre forme de procès que la vie de une ou deux personnes. C'est enchaîné une lutte qui a duré 4 mois. Pour finalement arriver devant la justice qui a su comprendre l'enjeu qui était le nôtre, à savoir sauvegarder une association, sauvegarder des travailleurs, des personnes qui travaillaient à l'activité, et puis surtout sauvegarder l'étendue du savoir et du potentiel de cette association qui a un vrai savoir-faire sur la région qui était vraiment dommageable de perdre. Et donc voilà, depuis le 2 février, on a réussi à avoir un temps pour prouver la viabilité de l'association. Et donc le jugement final sera rendu le 11 mai. Mais en tout cas, il y a une grosse victoire qui a été gagnée le 2 février et aujourd'hui, bah, il ne tient plus qu'à nous de faire en sorte que ça soit confirmé le 11 mai. Donc oui, on peut dire qu'on a gagné. Bon, alors, félicitations par rapport à ça. Mais est-ce qu'on peut dire quand même que par rapport aux Hauts-de-France maintenant, la région du Nord en tout cas, c'est compliqué d'avoir... Parce que je reviens sur ça, une association, on est dans de plus en plus de gros studios qui viennent s'implanter, on est plutôt dans de l'industrie de plus en plus. Il y a, je ne sais pas si l'annonce est faite, en tout cas il y a des annonces de deux gros studios qui vont venir s'implanter ici. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui de plus en plus dans une demande de recherche de main-d'œuvre, on va dire, plutôt que d'éducation à l'image, plutôt, alors ça c'est quelque chose qui est là dans toute la société, hein, l'animation est touchée aussi, mais voilà, est-ce que je sais pas, par rapport à Pitanovo, par rapport à tout ce qui est autour, Noranim, etc. Il y a eu vraiment là, d'un seul coup, un ciment et de se dire, faut quand même que l'association tienne. Oui, c'est vrai qu'on a eu le soutien en interne du conseil d'administration, mais on a eu beaucoup de soutien extérieur aussi, beaucoup de personnes qui sont revenues dans le paysage de Cellophane, qui avaient connu l'association plus tôt, ou qui sont venues soutenir notre projet. Donc oui, comme tu disais, Noranim, les SAT aussi, Pictanovo, enfin on a vraiment eu, même la région nous soutient, la ville de Lille. Enfin voilà, j'ai peur d'en oublier, c'est toujours. Non, c'est pas, t'inquiète pas, c'est pas, c'est juste pour mais en tout cas, mais même le soutien individuel de personnes qui, lorsque c'était difficile, parce que ça a été une lutte, comme tu disais, Margot, ne serait-ce que le soutien, un coucou, une lettre, tout ça sont des choses qui nous ont portés. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire que là, il y a quoi? Il y a faire le plus d'ateliers possible, avoir le plus de, je sais pas, de soutien. C'est quoi jusqu'au prochain, au jugement final, donc? Pour moi, le jugement final, c'est une formalité, c'est-à-dire que la juge va prendre en compte le fait qu'on ait un programme d'activité sur l'année, donc ce qui est le cas, un budget qui tient la route et une équipe derrière pour soutenir le projet. C'est quelque chose, c'est, dans le sens, c'est une formalité parce que tout est déjà fait, c'est-à-dire que le budget est déjà là, le programme d'activité, il est là, il est sacrément bien rempli. Après, si tu veux, simplement, moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que on peut pas être totalement serein, parce qu'effectivement, une association, ça a besoin de financement public pour des activités qui, peut-être, c'est une insulte aujourd'hui, mais qui ne sont pas rentables d'un point de vue financier, mais qui sont ô combien bénéfiques pour la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous intérêt à ce que les gens soient conscientisés, soient capables d'analyser des images, comprendre aussi que derrière chaque image se cache une mise en scène, et que cette monstration à outrance de réalité n'est que finalement un spectacle. Et c'est ça qui est hyper important, et ça, c'est bénéfique pour tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une région qui, en tout cas, l'entend. Je ne peux pas présumer de l'avenir, mais en tout cas, ouais, tous les institutionnels qu'on a rencontrés, les financeurs, les partenaires privés, etc., ont quand même cette conscience-là, tu vois, que la personne lambda à qui on va faire un atelier d'éducation à l'image, ça nous coûte de l'argent, mais finalement, ça nous coûterait plus de le laisser dans son ignorance. Voilà. Donc c'est bien si y a ça, je trouve que c'est une vision optimiste. On va rester sur cette vision optimiste. Est-ce qu'il y a chose qu'on n'a pas dit, qu'on n'aurait pas dit, ou que c'est le fan fake, moi j'ai pas pris en compte, ou a priori on... Peut-être dire simplement que même si là on est dans une phase un peu de restructuration, donc en effet on se concentre davantage sur les ateliers, on aimerait continuer de développer des projets comme Cellophane l'a toujours fait. On a éventuellement... je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais la volonté en tout cas de créer des ponts aussi entre les disciplines, et à terme de pas se limiter non plus au seul objet du cinéma d'animation. Enfin, je veux dire, Margot par exemple, qui vient du spectacle, saura, je suis sûre, apporter sa dimension aussi à Cellophane, et l'idée c'est que Cellophane se fasse aussi au travers des personnes, des intervenants, et puisse porter des projets à nouveau. C'est-à-dire qu'on peut imaginer par exemple de nouveau, peut-être dans plusieurs mois pour l'instant, le temps de la production, en tout cas de l'aide à l'accompagnement de production de projets, ce genre de choses, toujours en partenariat aussi, parce que ce qui est bien dans le Nord, c'est qu'on a aussi au moins deux forces fortes qui sont Zorobabel et Caméra, etc., finalement en Belgique, et donc ça fait un trio qui est plutôt pas mal, non ? Oui, complètement. Et puis c'est vrai qu'on est dans une région hyper dynamique, donc il faut pas se priver de personnes aussi sympathiques que Caméra, etc., parce que on travaille avec eux quand même depuis quelques années, et puis c'est des gens qui eux aussi sont bienveillants, sont à l'écoute et sont toujours partants pour des nouveaux projets, des nouvelles aventures. Donc ouais. Merci à toutes les deux, et puis bon courage pour la suite. Merci à toi.